rouge en face. Il j'allais pour nous faire sa bâtisse. Madjana, madjana, coûte calas. Depuis bon matin, il casse son nez. Oh madjana, oh madjana, oh madjana, oh madjana. Madjana, madjana, on nous a laissé. On nous fait sa voix, ça qui t'unisse. Madjana, madjana, qu'est-ce qu'on contente. Oh, my darling.